Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Daniel O'Connell, le libérateur de l'Irlande. Il y a l'exemple que vous avez toujours donné, qu'a toujours donné votre peuple, si courageux, et dont les héros sont dans toutes nos mémoires. Spartsfield, mais aussi Wolston, et aussi O'Connell, et aussi Parnell, et aussi Valera, et tant d'autres. Cela, nous ne l'oublions jamais. Daniel O'Connell est de la liste des héros que veut saluer le général de Gaulle lors de son passage en Irlande en juin 1969. Daniel O'Connell est souvent présenté comme le libérateur de l'Irlande. Brillant orateur, formidable tacticien, il va donner aux catholiques irlandais une véritable voix politique. Premier député catholique d'Irlande à siéger au Parlement de Westminster, c'est aussi Daniel O'Connell qui fait franchir à son peuple le premier pas qui va éventuellement le conduire vers son indépendance. Catholic peasantry were a people without land, political rights, or a champion. Les paysans catholiques formaient un peuple sans terre, sans droit politique et sans leader. Leur libérateur sera finalement l'une des figures les plus remarquables du 19e siècle, Daniel O'Connell. Would be one of the most remarkable figures of the 19th century, Daniel O'Connell. The typical 20th century figure that O'Connell would have the closest parallel to. Si on devait le comparer à un autre personnage marquant du 20e siècle, ce serait Martin Luther King aux États-Unis. King était capable de mobiliser et de politiser des gens a priori plutôt passifs et indifférents. How would you describe O'Connell? Comment décririez-vous Daniel O'Connell? O'Connell was a 19th century liberal. O'Connell était un libéral du 19e siècle. Il croyait au constitutionnalisme et aux droits humains. Il soutenait ce genre d'idées dans d'autres pays et souhaitait les implanter en Irlande. C'est l'historien John McCarthy que vous venez d'entendre, spécialiste de l'histoire irlandaise. Il est entre autres l'auteur d'un livre consacré à Edmund Burke, Daniel O'Connell et le mouvement d'anticipation des catholiques en Irlande. Pour nous parler de Daniel O'Connell, du rôle fondamental qu'il va jouer dans l'histoire de son pays au 19e siècle, je reçois Laurent Colantonio, qui est professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, qui est également spécialiste de l'histoire irlandaise. Laurent Colantonio, bonjour. Bonjour, Jacques Beauchamp. Alors, quelle importance il a eu, Laurent Colantonio, Daniel O'Connell, dans l'histoire d'Irlande? Où se situe-t-il, par exemple, dans cette marche du peuple irlandais vers son indépendance? Vous l'avez rappelé en introduction, O'Connell était surnommé le libérateur par ses compatriotes et il est l'une des très grandes figures de l'histoire du mouvement national irlandais, précédant d'autres grands noms, essentiellement masculins, comme Parnell, Pierce, Collins ou De Valera. Et disons qu'il incarne le moment où le nationalisme est devenu un phénomène de masse en Irlande, hein, devenu une force qui compte et qui dérange aussi dans le paysage politique des îles britanniques. Ouais. Et évidemment, c'est l'air du temps qui le mène à embrasser ce combat-là. Je pense qu'il faut partir de là, du contexte dans lequel naît O'Connell, à quoi ressemble cette Irlande au moment où il naît. Il naît en 1775, Daniel O'Connell. Il est issu d'une famille de notables catholiques. Parlez-moi de cette Irlande-là. Où en est l'Irlande à ce moment-là, Laurent Colantonio? Alors, en 1775, ça fait déjà plus de deux siècles que l'Irlande a été conquise et colonisée par l'Angleterre, hein, faisant de ses habitants à 80% des catholiques, des sujets de seconde zone qui étaient légalement discriminés donc par la loi et dépossédés de leurs terres. La population irlandaise était très largement rurale et pauvre, mais O'Connell, comme vous l'avez rappelé, hein, est lui issu d'une famille qui a conservé un certain prestige et une certaine aisance financière aussi. Comme fils de notable catholique, il a été envoyé en France, donc en 1791, pour étudier dans un collège catholique. Et ça a été pour lui une expérience douloureuse, au cours de laquelle, encore jeune homme, hein, il est marqué par la violence révolutionnaire. Il rentre précipitamment en Grande-Bretagne en janvier 1793. Et là, il entame des études de droit à Londres, puis à Dublin. Et en 1798, il figure parmi les premiers catholiques à devenir avocat, parce que, entre-temps, la loi qui l'empêchait d'accéder au barreau a été abolie. Ouais. Et c'est vers 1800, donc tout juste après qu'il commence son combat politique. On va y revenir tout au cours de cette émission, au grand combat. Il y a deux ou trois fronts auxquels il va s'attaquer. Mais si on avait à résumer d'abord cette action politique, comment résumer l'action politique de Daniel O'Connell? Alors, dès ses premiers discours politiques, en 1800, comme vous l'avez dit, il défend deux grandes causes. Alors, la première, c'est l'émancipation des catholiques, c'est-à-dire le droit pour les catholiques de siéger au Parlement. Parce que si, à la fin du XVIIIe siècle, la plupart des lois anticatholiques ont été abolies, il demeure encore impossible pour un catholique de devenir député du fait du serment anticatholique que tout élu à la Chambre des communes doit prononcer avant d'y être admis. Donc ça, c'est la première grande cause. La seconde, c'est une revendication de souveraineté nationale, c'est-à-dire le rétablissement à Dublin du Parlement autonome irlandais. Parlement qui a été dissous en 1800 dans le cadre de la loi, l'acte d'union, la loi qui a donné naissance au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Donc, en d'autres termes, ça revient, disons, à demander l'abrogation de cette union, union perçue comme une nouvelle modalité de la subordination de l'Irlande, à son puissant voisin. Donc on va revenir dans un instant sur la deuxième bataille, celle de l'autonomie irlandaise, mais un mot sur cette première bataille qui va toucher ce qu'on appelle l'émancipation des catholiques. Et ça commence, vous le disiez il y a un instant, par le fait qu'à cette époque, un catholique irlandais ne peut siéger au Parlement de Westminster. Alors il y aura cet épisode important. En 1828, Daniel O'Connell remporte l'élection législative du comté de Clare, ne peut pas techniquement siéger à Londres. Et cet événement va marquer un point tournant dans l'histoire du pays, dans le parcours également de Daniel O'Connell. Voici à ce sujet un extrait du documentaire « Daniel O'Connell, Forgotten King of Ireland » réalisé par Helen Gilsnan en 2019. C'est la journaliste Olivia O'Leary que vous allez entendre dans l'extrait qui suit. « The place was packed. The public gallery was packed. » People had come from all over to see this moment. L'endroit était bondé, la galerie publique était pleine. Les gens étaient venus de partout pour assister à ce moment historique. Parmi eux, beaucoup de catholiques anglais et écossais qui n'étaient pas autorisés à siéger au Parlement. Il y avait donc un énorme intérêt public pour l'événement et pour le personnage. O'Connell knew better than anybody how to play a dramatic moment, and there were three dramatic days here in May 1829. O'Connell savait mieux que quiconque comment théâtraliser un moment important. Et il y en a eu trois de ces jours importants en mai 1829. Le premier jour, O'Connell est venu et a présenté ses papiers de qualification, certifiant qu'il avait bel et bien été élu. Puis, le greffier lui a tendu le serment, cet affreux serment qui exigeait de lui qu'il renonce complètement au catholicisme. The infamous oath that basically asked him to totally deny Catholicism. And he looked at it. He looked at it for a long time. O'Connell l'a pris et regardé. Il l'a regardé longuement. Puis il l'a redonné au greffier, en lui disant clairement qu'il refusait de le prononcer. Alors, le président de la Chambre lui a demandé de se retirer. O'Connell a dévisagé le président durant un long moment, en silence. Puis il s'est retiré. S'ensuivit alors un débat sur son éligibilité, lequel a été ajourné et reporté à la séance suivante. And then there was a debate about his eligibility, and it was decided it would go on the following Monday. Back he came the following Monday, and it was decided that he would be allowed to speak to the House from what's called the bar of the House. Le lundi suivant, O'Connell a été autorisé à s'adresser à la Chambre, mais de la section qu'on appelle le bar de la Chambre. This was his moment. Et ça a été son moment. Il a déclaré avoir été envoyé ici par la voix du peuple, un peuple opprimé, et qu'il est là pour le représenter. He had been sent here by the voice of the people, a representative of the people, a martyred people. What is to become of me? Que vais-je devenir? Dois-je demeurer le représentant de Clare? La Chambre refusera-t-elle de me laisser entrer? Mais est-elle vraiment autorisée à me demander de partir? Alors je pose de nouveau la question. Que vais-je devenir? J'attire l'attention de la Chambre sur ce point. Que vais-je devenir? I call the attention of the House to that. What is to become of me? Alors, c'est à la suite de cet épisode qu'on vient d'entendre que la loi sur l'émancipation des catholiques va être votée par le Parlement de Westminster, Laurent Colantonio. Racontez-nous le chemin qui va mener Daniel O'Connell et les catholiques irlandais à cette grande victoire. Oui, alors là, on arrive au cœur de ce que j'appelle le laboratoire politique irlandais. En 1823, O'Connell fonde avec quelques autres l'Association catholique. Et là, la grande nouveauté, c'est que la campagne politique qui va suivre n'est plus seulement l'affaire des élites, mais bien une extraordinaire mobilisation de masse sans précédent en Irlande, sans équivalent en Europe à la même époque. Le succès de cette mobilisation, elle repose sur l'adhésion massive à l'association catholique des paysans irlandais par l'intermédiaire d'une cotisation très faible que tous, même les plus modestes, peuvent payer. Oui. Et à partir de là, la mobilisation populaire s'organise dans chaque paroisse, vraiment au ras du sol, avec notamment le clergé qui encadre les troupes. Des centaines de rassemblements ont lieu dans les comtés. Tout cela témoigne de la reconquête de l'espace politique, vraiment par les catholiques. Et le tout, c'est très important, sans faire usage de la violence, mais en jouant constamment sur la pression du nombre. En gros, le message envoyé par O'Connell à Londres, c'est un peu le suivant. Voilà, je suis le dernier rempart avant une déflagration générale. Si vous n'accédez pas à nos demandes, alors je ne réponds plus de rien. Donc il y a vraiment là un levier important. Et donc, mobilisation à coup de cotisations, de rassemblements qui seront de plus en plus nombreux. Et parallèlement à ça, évidemment, cette candidature, on revient à ce qu'on vient d'entendre. Il est élu par le peuple en 1828, mais il ne peut pas siéger à Londres. Et là, il y a cette pression qui finira par faire fléchir Londres. Mais ce moment précis, c'est un point de bascule important dans l'histoire irlandaise. Oui, c'est un point très important puisque après 1829, donc le gouvernement va changer son fusil d'épaule et va donc accepter le vote de l'émancipation des catholiques qui intervient en 1829. Et ce vote, c'est d'abord un succès politique important qui efface les dernières discriminations envers les catholiques. Mais plus encore peut-être, c'est un événement qui est ressenti par une grande partie de la population comme un acte de justice imposé aux Britanniques. Le succès de la mobilisation est un motif de fierté collective. Et ça s'accompagne du triomphe personnel d'O'Connell. C'est à ce moment-là qu'il devient le libérateur. C'est à partir de ce moment-là qu'on l'appelle, on le nomme le libérateur, en écho notamment à Bolivar, El Libertador, en Amérique latine, ou encore même on le compare à Moïse, envoyé par Dieu pour libérer son peuple du joug des oppresseurs. O'Connell devient là donc le symbole de cette victoire, un mythe vivant en Irlande, et à partir de ce moment-là aussi, une figure au rayonnement international considérable. Ouais. Donc, première bataille très importante, puis on comprend bien la fierté du peuple irlandais d'avoir participé avec cette stratégie d'O'Connell. Le peuple a l'impression, et plus que l'impression, a fait partie de cette victoire politique importante en mettant une telle pression sur Londres. C'est le poids du nombre, au fond, qui conduit à ces changements. Un petit mot sur ce que, dans les faits, sur ce que ça veut dire, sur ce que ça change pour les catholiques irlandais, cette fameuse loi de l'émancipation. Alors, la plupart des lois discriminatoires, celles concernant par exemple le droit de vote ou le droit de porter une épée ou de posséder des terres, tout cela a été aboli à la fin du XVIIIe siècle, dans le contexte des révolutions atlantiques en particulier. Mais la loi 1829, elle offre la possibilité aux catholiques d'Irlande et du Royaume-Uni en général, d'être représentés en tant que tels par un catholique au Parlement. Donc il y a une dimension symbolique et politique qui est très forte dans cette loi de 1829. Ouais. Au milieu des années 1840, Daniel O'Connell se lance dans l'autre grande bataille qui sera la sienne, celle de l'abrogation de la fameuse union qui a créé le Royaume-Uni. On en a parlé il y a quelques minutes. On écoute à ce propos l'historien Patrick Geoghegan du Trinity College de Dublin, qui a aussi écrit une biographie de Daniel O'Connell, décrire la campagne que va mener O'Connell dans toute l'Irlande à ce sujet-là. He would go to every county in Ireland and explain to them why repeal was needed, why it was a good thing. Il se rendait dans tous les comtés d'Irlande et expliquait pourquoi l'abrogation était nécessaire, pourquoi c'était une bonne chose. Beaucoup de gens n'avaient jamais entendu O'Connell en personne. Il n'y avait ni radio, ni télévision, ni Internet. Les gens ne faisaient que lire les comptes rendus des journaux. O'Connell a donc pensé J'irai partout au pays pour que les foules puissent venir à ma rencontre, que les familles viennent me voir et pique-niquer. Et je leur expliquerai pourquoi l'abrogation est nécessaire. And I will explain to them why repeal is needed. And the first one was held in Trim in County Meath on the 16th of March. 50,000 people visited. Le premier rassemblement a eu lieu à Trim, dans le comté de Meath, le 16 mars. 50 000 personnes sont venues. Puis, les rassemblements ont sans cesse grossi. 100 000, 200 000. Le 15 août, lors de la fête de l'Assomption à Tara, des sources gouvernementales ont même estimé la foule à 1 million de personnes. Et il y en aurait eu autant à Mullaghmast, le 1er octobre. It was estimated by even the government sources, close to 1 million people. The one at Mullaghmast on the 1st of October, close to 1 million people. And in all of these, O'Connell set out. He said, "If I call on you to fight with me, will you fight?" Par moment, O'Connell lançait, "Si je vous demande de vous battre à mes côtés, le ferez-vous?" Et la foule criait, "Oui." Puis il disait, "Mais je ne vais pas faire ça, car je ne veux pas d'une révolution sanglante. Nous gagnerons cette bataille par des moyens pacifiques, comme on l'a fait pour l'émancipation." En vieillissant, il était devenu encore plus convaincu que la liberté irlandaise ne valait pas l'effusion d'une seule goutte de sang. Il accepterait de se sacrifier, mais pas de sacrifier les autres. He would sacrifice himself, but he would not sacrifice anyone else. À ce qu'on vient d'entendre, ça, c'est très, très intéressant. Puis c'est surtout au cœur de la vision politique qu'a Daniel O'Connell. Il y a quelque chose de très, très moderne dans cette stratégie qu'il va adopter. Vous l'avez entendu, de non-violence, qu'on appelle la stratégie d'agitation pacifique. Comment décrire cette stratégie-là, Laurent Colantonio, et en quoi est-ce si moderne pour l'époque? Alors, l'agitation pacifique, c'est, selon O'Connell, le choix du rejet de la violence politique. Mais à mon sens, c'est moins un pacifisme au sens strict du terme qu'une stratégie réfléchie face à l'Angleterre qui est trop puissante. À ce moment-là, c'est la première puissance mondiale. La modernité du mouvement, hein, comme vous l'avez dit, ça tient aussi, bien sûr, à sa capacité à impliquer les masses au processus politique, plutôt que seulement parler à leur place. Ça tient au fait de faire émerger le peuple comme acteur, même si cette dynamique, elle est encadrée, elle est canalisée, bien sûr. Hein. Mais l'agitation pacifique, je dirais, elle participe en quelque sorte à rendre visibles les invisibles de l'histoire. Et c'est particulièrement net lors des grands messes que représentaient les meetings monstres, les monster meetings, dont parle l'historien Patrick Geoghegan dans son extrait, à l'été 1843, qui rassemblent pour certains plusieurs centaines de milliers de personnes, hein, et qui, je crois, sont à la fois d'extraordinaires vitrines de l'unité nationale et des espaces rares d'expression de la souveraineté populaire où les gens présents trouvent à s'exprimer, même s'ils parlent peu, en fait. Ouais. Et sur le plan politique, sur le fond, dans cette bataille pour l'autonomie irlandaise et des catholiques d'Irlande, qu'est-ce qu'il cherche exactement, Daniel O'Connell? Est-ce qu'il est plutôt autonomiste, plutôt indépendantiste? Quel objectif il poursuit quant au statut politique de l'Irlande? Alors, il défend clairement une version autonomiste et non séparatiste de la souveraineté nationale. Hein. Il voudrait faire de l'Irlande l'égal de l'Angleterre dans la hiérarchie impériale. Et il n'est pas républicain, quoi. En revanche, il a participé à la démocratisation de la vie politique. Il est favorable au suffrage universel pour les hommes. Et c'est une grande figure de la lutte contre l'esclavage aussi à l'échelle internationale. On l'oublie souvent. Mais il s'est toujours refusé, en revanche, à chambouler l'ordre social. Il y a une tension fondatrice chez lui entre son radicalisme politique et son conservatisme social de l'autre côté. Et j'ajouterais que malgré la mobilisation dont on vient de parler, la formidable mobilisation, cette campagne pour l'abrogation de l'Union, elle s'achève par un échec. Ouais. Et dès la fin de sa vie, apparaît une triple critique, vraiment, qui prendra de plus en plus d'ampleur au début du XXe siècle, sous la plume notamment des tenants du séparatisme, hein, qui lui reproche donc de ne pas avoir affronté l'ennemi les armes à la main, d'avoir trop joué la carte catholique, et de s'en être tenu, je dirais, à demander la souveraineté législative, mais pas l'indépendance. Donc c'est autour de ça. Ouais. Un petit mot sur une comparaison qu'on fait souvent entre Louis-Joseph Papineau et Daniel O'Connell. Pourquoi? En quoi le parcours des deux hommes peut-il se comparer? Alors, je crois qu'il est d'abord utile de rappeler à quel point O'Connell et ce qui se passe en Irlande à l'époque a capté pendant au moins deux décennies l'attention des contemporains, non seulement au Bas-Canada, dans l'Empire britannique, mais aussi aux États-Unis, en Europe. Partout, le laboratoire irlandais fascinait les uns, inquiétait les autres. Alors, Papineau, lui, en effet, il a été surnommé souvent le O'Connell canadien, en référence au combat mené par les deux hommes pour la défense des droits des peuples. Et pour Papineau, comme pour bien d'autres patriotes, c'est assez bien documenté, je pense notamment à son adjoint d'origine irlandaise, Edmund O'Callaghan, l'Irlande proposait vraiment un modèle inspirant de mobilisation contre ce qu'ils appelaient le mauvais gouvernement britannique. Oui. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si on retrouve dans les 92 résolutions 1834, trois fois, nommément la référence à O'Connell. Revenons sur cet orateur brillant, extraordinaire qu'il a été. Quel poids ça a eu, ses talents d'orateur, dans l'entreprise politique qu'il réussira à mener? Alors oui, O'Connell a été l'un des plus brillants orateurs de son temps. Alors, d'abord dans l'enceinte des tribunaux, puis dans l'espace public pour inciter à l'action par ses discours, pour convaincre les députés aussi à la Chambre des communes. Et je crois que pour comprendre l'ampleur de la mobilisation, pour comprendre le phénomène d'entraînement collectif, il faut prendre au sérieux, alors avec tout le recul critique nécessaire, mais il faut prendre au sérieux la possibilité d'une convergence, même imparfaite, là, entre les ambitions du chef et puis les attentes de la population. C'est comme si O'Connell avait servi de catalyseur par sa parole à une colère collective sous-jacente, diffuse, multiforme même. Et enfin, on l'a déjà dit, mais c'est important, il incarne la dignité retrouvée du peuple irlandais, en invitant sans cesse ses compatriotes à relever la tête, à se sentir fiers d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, Laurent Colantonio, qu'est-ce qui reste de cette figure de Daniel O'Connell dans l'Irlande d'aujourd'hui? Alors, je disais tout à l'heure qu'il avait pu être contesté au XXe siècle, mais il n'empêche qu'il occupe une place de choix au Panthéon national irlandais, aujourd'hui, parmi les pères fondateurs de cette Irlande moderne. Et physiquement, même sa silhouette, sous la forme d'une haute statue de bronze noir, domine la rue principale de Dublin, rue principale qui porte son nom, qui s'appelle O'Connell Street. Et je voudrais finir en disant que si cette Irlande du premier 19e siècle demeure encore une ressource pour le présent, c'est qu'elle nous offre, je crois, une belle mise en perspective des questionnements actuels sur la mobilisation populaire, l'incarnation en politique, à l'heure actuelle d'une crise de la représentativité et de la montée des populismes. Alors, même si l'aventure collective conduite par O'Connell est restée inachevée, cette expérience du passé, je crois, est une invitation à oser emprunter des chemins non balisés pour relever les défis de son temps, en particulier quand tout paraît bloqué et que le futur est incertain. Laurent Colantonio, spécialiste de l'Irlande, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal, merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.